كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 4. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس السابق من عمدة الأحكام كتاب الصيام حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فهل يجوز صيام آخر شعبان، أي أن جور أو دو جور أفون رمضان، هل يجوز؟ لا. ما الدليل؟ حديثي لا تقدموا رمضان بالصوم أكمل. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والعلماء اختلفوا اسكسا نهي للتنزيه أو للتحريم. أي ونبي أن الذي يظهر على الظاهر أنه النهي للتحريم، كما قال الصنعاني رحمة الله عليه في السبل، كذلك الشوكاني في الدراري. أما celui qui a l'habitude de jeûner lundi et jeudi مثلا، فالـ jeudi ça tombe le dernier jour de Sha'ban. Vendredi Ramadan il commence. Est-ce qu'il peut jeûner jeudi؟ ما الدليل؟ فليصمه. نعم. إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. أما الصيام لا dernière moitié de Sha'ban، تقدم معنا أن بعض الشافعية ils ont dit qu'il fallait pas jeûner à partir du 15 de Sha'ban et la dernière moitié de Sha'ban. Et on a vu أنهم ils se sont basés sur un hadith et le hadith il est ضعيف. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. الحديث إلي ضعيف منكر، كما قال الإمام أحمد وابن معين وابو زرعة وغيرهم. Donc après le 15 de Sha'ban on peut. بل النبي صلى الله عليه وسلم il jeûnait la plupart de Sha'ban كما تقدم. Et aujourd'hui نأخذ الحديث الذي بعده. قال الحافظ الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه أي الهلال فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم. حديث important فيما يتعلق ببداية رمضان ونهاية رمضان. C'est pour ça que الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه l'a cité au début de ce chapitre كتاب الصيام من عمدة الأحكام، لأن ce hadith il montre le début de Ramadan. الآن la question qu'on se pose, cette عبادة عظيمة elle commence quand؟ On sait que ça commence Ramadan. Comment tu sais que Ramadan il a débuté؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوم. رأيتموه الضمير يعود إلى الهلال، أي إذا رأيتم الهلال فصوم. الهلال c'est le croissant de lune. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة: وجملة ذلك أن الواجب لصوم رمضان أحد ثلاثة أشياء أو أحد ثلاثة أشياء. Pour jeûner, أي que Ramadan ça devient une obligation, tu dois commencer, t'as trois choses. Et ces trois choses, في الحقيقة, elles sont citées dans ce hadith et كذلك on complétera avec un autre hadith. La première, قال شيخ الإسلام: إكمال عدة شعبان. أي c'est que شعبان ça finit. Si شعبان il est fini, automatiquement tu bascules رمضان. Il y en a les mois ils se suivent. قال: فمتى أكمل عدة شعبان 30 يوما. Ça te montre أن الأشهر العربية elle dépasse pas 30. C'est pas comme dans les mois septembre, octobre, novembre, etc. Ça peut aller jusqu'à 31. Janvier, maintenant, c'est 31. Toujours. Amma les mois arabes, ay Ramadan, qablahu Sha'ban, ba'dahu Shawwal, dhul Qa'dah, dhul Hijjah, Muharram, etc. Ça dépasse pas 30. Imma 29, imma 30. Et kadhalik, ça nous montre que ces mois, ils sont pas fixes. Ça dépend de la lune, contrairement aux autres mois. Janvier, février, mars, avril, c'est des mois, ils sont fixes, en général. Sauf février, hiyanan, ça, c'est moins. Lakin, janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, da'iman. Imma 30, imma 31. Amma nahnu la, c'est imma 29, imma 30. Et ça change par rapport à l'apparition du croissant de lune. Donc, si on n'a pas vu la lune de Ramadan, le croissant de lune de Ramadan, on attend que Sha'ban il finit 30. Si Sha'ban il est fini 30, automatiquement le jour d'après ça sera Ramadan. Les anna Sha'ban ça ne peut pas être 31. Donc ça c'est la première solution. Qala famata akmalu iddat Sha'ban 30 yawman lazimahum as-sawm. Que tu as vu le Hilal Amla. Pourquoi? Parce que si Sha'ban il arrive au 30e jour, automatiquement le jour d'après c'est Ramadan. Et les mois Sha'ban, Ramadan, etc., ils ne peuvent pas dépasser 30. Tu as vu le Hilal Amla. وَسَوَاءٌ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابْ أَوْ قَطَرْ أَوْ لَمْ يَحُلْ. نعم. Que le ciel soit nuageux, Amla. Il est nuageux, peut-être qu'on n'a pas vu le Hilal, peut-être qu'on l'a vu. Si Sha'ban il est fini, il est fini. قال لتواتر الأحاديد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. Et dans une autre riwaya, ce hadith, إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. Dans une autre riwaya, أكملوا العدة 30. أكملوا العدة 30. ستأتي معنا. قال ولأن الشهر لا يكون أكثر من 30. Comme on a cité, le mois il ne peut pas dépasser 30. فمتى كمل شعبان فقد تيقن دخول شهر رمضان. Si le mois de Sha'ban il est fini, on a la certitude que Ramadan il a commencé, même si on n'a pas vu le croissant de lui. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ. On va voir l'explication. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, ça veut dire que le ciel, il y a un obstacle entre toi et la vision du croissant de lune. Imma des nuages, imma de la fumée. Maintenant, l'endroit où tu es, il y a de la pollution, il y a du feu, il y a eu un feu, il y a une fumée, tu n'arrives plus à voir le ciel. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له. Ça montre que si tu ne vois pas, il y a un obstacle, tu appliques cette solution. أكملوا العدة. Non, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Tu finis Sha'ban 30. Dès que c'est fini le 30e jour, le jour d'après, ça peut être que le premier de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de 31. Dans les mois arabes, il n'y a pas de 31. Donc, la première, akmil ou ikmal, idda Sha'ban. La deuxième solution pour connaître le début de Ramadan, ru'yatul hilal. Comme c'est cité dans le hadith. Idha ra'aytumuh fasoumou. Si vous le voyez, faites siyam. Donc, ru'yatul hilal, la vision du croissant de lune. Qala fa'idha ru'ya. رؤية فإذا رؤية رؤية عامة فقد وجب الصوم سواء رأوه بعد إكمال عدة شعبان أو لتسع وعشرين خلت منه. Si c'est le 20e ou le 29e plutôt de Sha'ban, il peut avoir un 30e de Sha'ban. Si on voit le croissant de lune, il y en a le croissant de lune de Sha'ban, il est fini. La lune, le 13, 14, 15, elle est pleine. Ton mal descend, elle rétrécit, et à la fin, tu ne la vois plus. Donc, si tu vois un croissant de lune autour du 29, c'est forcément celui du mois d'après. Donc, le 29 de Sha'ban, si on regarde le ciel et on aperçoit le croissant de lune, on ne fait pas le 30e de Sha'ban. 29, ça suffit. Le croissant de lune, il est apparu, automatiquement, c'est Ramadan. Automatiquement, Ramadan, il est dakhal, il est rentré. قال وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الصيام لرؤيته. نعم. Ça c'est واضح. Et on a hadith Ibn Umar fi Sahihain, et l'imam al-Maqdisi l'a cité fi Umdat al-Ahkam. Donc la deuxième manière, c'est d'apercevoir, de voir Hilal à Ramadan, le croissant de lune de Ramadan. La troisième, أن يحول بيننا وبين مطلعه غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان. أي la nuit du doute, ils appellent ça, et c'est cette masala qu'on va traiter hein. T'es le 29, t'as fait le 29. La nuit du 30. Il faut savoir, ya ikhwan, quand on parle de nuit et de jour, et toutes ces masailles par rapport au hilal, il faut bien savoir que la nuit, elle passe avant le jour. C'est important. Pourquoi ? Parce que huna qal laylat al-thalathin, la nuit du 30. La nuit du 30. Ça veut dire que le jour d'après, c'est quoi ? Si vous avez compris, c'est le 30. Donc, ça peut être Sha'ban et ça peut être quoi ? Ramadan. C'est ce qu'on appelle Yawm al-Shak. Ce jour, c'est le jour du doute. La nuit, c'est la nuit du 30. On a regardé, on n'a pas vu. Si on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on fait ? On attend et on finit Sha'ban 30 jours. Le troisième cas, c'est qu'on n'a pas pu regarder. Pourquoi ? Parce qu'il y a un obstacle. Fumée au nuage. Ou autre. Mohim, t'as pas pu voir. Est-ce que tu jeûnes ou tu jeûnes pas ? Est-ce que tu finis la validité 30 jours ? Là est le mois de Sha'ban, 30 jours. Ou tu jeûnes ? Il y a un khilaf entre Sahaba radiallahu anhu et entre savants de l'islam qu'on va lire. قال الشيخ أوليد أولا لقول الشيخ الإسلام قال وذلك أنه إذا لم يرى ولم تكمل العدة فإما أن يكون هناك مانع يمنع من رؤيته لمن أرادها وقصدها أو لا يكون هناك مانع سيا قد مانع تقدم معنا سيا قد مانع سي لو سيال إلي كلير في هذا الحال on a pas vu الرؤية on finit شعبان 30 jours donc le siyam ça sera pas la journée d'après ça sera celle encore d'après. قال وإن كان هناك حائل سيان أفستق يمنع من رؤيته وهو أن يكون دون مطلعه ومنظره السحاب أو قطر دخان إما ينفمي إما دنواج مهم يان أفستق قال يجوز أن يكون الهلال تحته قد حال دون رؤيته et c'est ça l'un le إشكال c'est que si la nuit du 30 t'es dans la nuit du 30 t'as fait la journée du 29 au Maghreb, t'as fini, Sha'ban, et tu ne jeûnais pas. Tumma, la nuit, elle est rentrée. T'es dans la nuit du 30. Tumma, au Fajr, la journée du 30, elle va commencer. Enfin, cette journée du 30, ça peut être le 30 de Sha'ban, et ça peut être, ou ça peut être le premier de Ramadan. On appelle ça Yawm al-Shak. Cette nuit, tu veux regarder pour savoir si c'est Ramadan, il y a un obstacle, nuage ou autre. Cheikh l'Islam, il dit, c'est possible que s'il y a des nuages, que la lune, elle est derrière les nuages et tu la vois pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? S'il y a la lune, c'est Ramadan. S'il n'y a pas la lune, c'est pas Ramadan. Laquelle on ne peut pas savoir. Donc les savants, ils ont divergé. Certains savants, ils ont dit tu jeûnes. Certains savants, ils ont dit tu jeûnes pas. Et fil haqiqa, c'est un khilaf bain al-sahaba. Et Cheikh al-Islam, il a cité ce khilaf. Laquelle nous le résume. Awalan, قال l'imam al-Shawkani rahmatullah alayhi fi Nail al-Awtar. والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك وليس قول بعضهم بحجة على أحد والحق ما جاء من الشارع إصاف الحقيقة سيئة منهج أسويه الإمام الشوكاني تمتخ أن الصحابة ils ont divergé comme on va voir certains صحابة ou certains صحابي ils ont jeûné et d'autres ils ont dit il ne faut pas jeûner donc il y a un khilaf الإمام الشوكاني te cite la solution أولا tu dois avoir la conviction que la parole de son compagnon elle passe pas avant la parole d'un autre. T'as pas à suivre ce compagnon, ne pas suivre l'autre. Les entre eux ils ont divergé. Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois revenir au shara. Tu dois étudier les adillah et tu regardes l'avis qui correspond à adillah et tu le suis. Qad yaqul qa'il mais les compagnons ils suivent tous le shara. Il y a aucun doute. Lakin les compréhensions elles divergent. C'est pour ça que tu trouves dans plusieurs masail dans le fiqh que Ibn Abbas il a un qawl, Omar il a un autre qawl. Ibn Mas'ud il a un qawl, Uthman il a un qawl. Abu Bakr il a un qawl, Uthman il a un qawl. Ils veulent tous la vérité, lakin ça ne veut pas dire que ils ne peuvent pas se tromper radiyallahu anhu. Lakin c'est des mujtahidoun et ils veulent le haq. Sahaba et on les aime fillah, lakin quand il y a un khilaf, on s'efforce à étudier leur aqwal et prendre celui qui est adapté. أو كي نعم كي سوي الأدلة فهذا Parole de l'imam Al-Shawkani. Wa illa fa as-sahaba sont min ahli al-udul tous, et ils sont récompensés pour leur ijtihad radiyallahu anhum. Amma as-siyam ay ce jour fa thabata an Ibn Umar wa Aisha radiyallahu anhum annahum kanu yasumun. Aisha Ibn Umar ils jeûnent ce jour. كما أخرجه الإمام أحمد في المسند. كذلك ثبت عن أسماء بنت أبي بكر الصديق كذلك الجنة أسماء رضي الله عنها وهو صحيح أي الإسناد كما في زاد المعاد بن القيم. وصح كذلك عن أبي هريرة أبو هريرة كذلك جنة سجور كما في السنن للبيهقي رحمة الله عليه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام واختلف الصحابة في ذلك. نحن نسيك الحق لواحد إما يفعل جنة إما يفعل جنة لكن الصحابة pourquoi ils ont divergé par rapport à la compréhension des textes. هذا ça arrive et c'est arrivé لأن la compréhension on n'a pas tous la même compréhension. ففي هذا الحال أنت تسأل de trouver la vie qui est le plus proche du حق de la سنة et tu le suis. قال واختلف الصحابة في ذلك منهم من قال بجواز صومه ومنهم من منع منه. Ça c'est l'imam al-Sanani. Il te montre que les sahaba entre eux ils ont divergé. Certains disaient tu jeûnes, d'autres ils disaient tu jeûnes pas. قال وعده عصيانا لأبي القاسم والأدلة مع المحرمين. L'imam al-Sanani il a démontré que al-haq c'était avec ceux qui n'ont pas jeûné, ceux qui ont interdit de le jeûner. Et c'est As-Sawab. Et c'est la vie le plus juste. Pourquoi ? Awalan, qawl an-nabi alayhi salatu wassalam kama fi ihda ar-riwayat an Abi Hurayra, et on vous l'a cité dans une version du hadith fi sahih al-Bukhari, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala fa akmilu 'iddat sha'ban 30. Ay fa in ghumma 'alaykum, si un obstacle, vous pouvez plus voir, c'est quoi la solution ? C'est de finir sha'ban 30. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit la solution, c'est de jeûner. Donc, les sahaba qui ont interdit de le jeûner, leur qawl il est appuyé par ce délit. C'est pour ça que nous on dit, c'est as-sawab. كذلك عن عمار ابن ياسر صحابي الجليل رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Celui qui jeûne ce jour, يشك فيه, c'est un doute, il y a un doute, فقد عصى الى ديزوبي او بروفيت صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا وهو حسن موقوفا عن عمار رضي الله عنه كما ذكر اخونا الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله تعالى dans son تحقيق de بلوغ المرء. قال الامام ابن القيم pour conclure cette مساله في زاد المعال فان القدر هو الحساب المقدر. Revient à notre hadith الان قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم. Et s'il y a un obstacle entre vous et le ciel, la vision, vous ne pouvez pas voir, فَقْدُرُوا لَهُ. C'est important, هذا, فَقْدُرُوا لَهُ. Ça veut dire quoi, فَقْدُرُوا لَهُ? C'est sur ça que les ulama, ils ont divergé. Certains savants, ils ont dit, فَقْدُرُوا لَهُ. Ça veut dire que tu fais le jeûne. فَقْدُرُوا لَهُ. Ça vient de الضيق. Et tu restreins le mois de Sha'ban et tu passes au mois de Ramadan. Tu fais le minimum de Sha'ban. Ça veut dire que tu as fait 29, tu fais Ramadan. Certains savants ils ont dit faqduru lah comme il a dit Ibn al-Qayyim ay huwa al-murad bihi al-ikmal. Faqduru lah ça veut dire que tu finis. Vous avez vu sur un mot comment ils ont divergé. C'est pour ça que ce genre de khilaf fil haqiqa il est wasi'. Ceux qui ont dit tu jeûnes ils se sont appuyés sur hada, ceux qui ont dit tu jeûnes pas ils ont pris l'autre riwaya. Tu comprends que il peut avoir un khilaf, il y en a la compréhension est divers. Lakin avec l'autre hadith ça apparaît clairement que faqduru lah comme a dit Ibn al-Qayyim فأكملوا العدة. النبي صلى الله عليه وسلم إلا فسر dans une autre رواية. قال والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم انتهى من زاد المعاد. Et c'est ça le قول الصحيح. أنه يوم الشك. S'il y a des doutes, on n'a pas vu, il y a des nuages, personne n'a vu le hilal, et on est dans la nuit du 30, donc il reste un jour possible pour Sha'ban, on dit que c'est Sha'ban. Et on le fait, et après on a fini le 30e. Automatiquement on passe à Ramadan qu'on a vu le hilal amla. C'est ça as-sawab. وقد رجح ان يوم الشك c'est le 30e jour de Sha'ban, donc il ne faut pas le jeûner. S'il y a un obstacle, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, on l'a cité son qawl, Fizad al-Ma'ad, Kadalik, Ibn Abd al-Hadi, Al-Hafid ibn Hajar, Fil-Fath, Al-San'ani, Fisubul al-Salam, on a cité sa parole, Al-Shawkani, Fina al-Awtar, on a cité sa parole, Wa ghayruhum min ahli al-ilm, Wallahu a'lam. Omdur, Fath al-Allam, le deuxième mujallad, page 553, Cheikh Mohammed, Hafidahullah, Ibn Hizam, il a cité cette mas'ala et on l'a résumé هنا. Al-Khulasa, قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوم. Si on voit le hilal, on jeûne. وإذا رأيتموه فأفطروا. On verra cette mas'ala par rapport au Eid. C'est quand que Ramadan est fini. فإن غم عليكم, s'il y a un obstacle entre nous et le croissant de lune, la nuit du 30, il y en a la nuit du 30, ça peut être le lendemain, le premier de Ramadan, ça peut être le 30e de Sha'ban. Vu que les mois en arabe, ça va jusqu'à 30. Ou 29. Donc, في هذا الحال, ça s'appelle يوم الشك. Est-ce qu'on jeûne ou on ne jeûne pas? الصحابة اختلفوا رضي الله عنهم. والصحيح, c'est قول عمار ابن ياسر من الصحابة رضي الله عنهم. Et des a'imma compris son قول, et ils ont basé leur قول sur la parole du Prophète صلى فأكملوا عدة شعبان ثلاثة. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit finissez Sha'ban 30 jours. Et ici, il y a un obstacle. Donc, khayr al-hadi, c'est le hadi Nabi Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont khalif ce qawl, mujtahidun. Mais les sahaba radiallahu anhum, ils ont un ajr et leur but, c'est al-haqq radiallahu anhum. Al-an, on cite des masa'il, des points importants par rapport au hilal, par rapport au croissant de lune, tout ce qui est lié au croissant de lune. La première mas'ala, ma'rifat dukhul al-shahr bi tariqati al-hisab. Est-ce qu'on peut calculer l'entrée du mois de Ramadan avec des calculs, avec les étoiles, etc., comme ils font les calendriers? Cette tariqa, elle est appliquée dans certains pays aujourd'hui. Aïe, les calendriers, ils calculent à l'avance sans regarder al-hilal. Ils font avec des calculs. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه في أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. On a déjà parlé de ce livre. C'est un شرح طيب de عمدة الأحكام. الذي أقول إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم. C'est ça le قول الصحيح. Pourquoi? Parce que le Nabi صلى الله عليه وسلم il nous a donné la solution. إذا رأيتموه. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a jamais parlé de calcul. Est-ce qu'on peut appliquer la solution que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée pour trouver le début de Ramadan? Même. Kathir ibn al-Nas, ils regardent la nuit du 30 et ils voient Al-Hilal. Donc pourquoi délaisser cette méthode qui est citée dans Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou fiha al-Khayr pour une autre méthode qui n'est pas juste? Il y a beaucoup d'erreurs. Qad yaqul qa'il, mais des fois on ne voit pas. Si tu ne vois pas, applique le hadith, akhi. Ida ra'aytumu fasumu. Si tu ne le vois pas, il y a un obstacle, finis Sha'ban 30. Son kalam, ce hadith qui est dans le Sahihain, Ibn Umar, si tu le vois, c'est wahyun min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a ordonné son prophète sallam de dire ce kalam. Qal ibn Daqiq al-Eid, limuqaranati al-qamar lish-shams على ما يراه المنجمون فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين. ابن دقيق العيد يقول هذا calcul c'est pas précis, mais احيانا ils peuvent faire devancer Ramadan d'un jour ou deux jours, et ça c'est le résultat de ceux qui délaissent le sunnah. Et ça on le voit l'un, beaucoup de gens ils appliquent les calendriers et ils regardent même pas le hilal, donc ils se rendent compte à la fin qu'ils avaient une erreur d'un ou deux jours. Amma celui qui fait des efforts avec Ru'yat al-Hilal et il se trompe, il est excusé. Il a fait ce dont il est ordonné. Wa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Amma ha'ula qui se trompe avec les calculs, qui sait aslan qu'il leur a dit d'utiliser les calculs? Qala wa fi i'tibar dhalik ihdath shar'in lam ya'zam bihi Allah, c'est une bid'ah. Pourquoi? Parce que dans le din, tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala bima ja'a fil adillah. Et dukhul shahr ramadan, son ramadan, c'est une ibad, à connaître son début, c'est min dinillah, et on applique sunnat al-nabi alayhi salatu wassalam. قال الإمام الصنعاني في سبل السلام رحمه الله الجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري et كذلك ceux qui prétendent qu'on peut utiliser les calculs on leur répond avec ما أخرجه البخاري كذلك في صحيح مسلم الإمام الصنعاني لا cité que أن ce hadith il est dans صحيح البخاري mais il est dans صحيح مسلم كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لا نكتب ولا نحسب أي on est une umma أمية أي on n'écrit pas et on compte pas هكذا le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit الشهر هكذا وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أن الشهر هكذا وهكذا أي même si tu connais pas le hisab et النبي صلى الله عليه وسلم il n'employait pas cette méthode et il leur a montré الشهر هكذا وهكذا وهكذا قال وعقد في الثالثة أسبوعا أي 29 النبي صلى الله عليه وسلم يلقى مطيل لموا سوى 29 وقال والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين النبي صلى الله عليه وسلم يلقى مطيل أن لموا عقب شعبان رمضان سوى 29 سوى 30 donc à partir du 29 la nuit du 30 regarde si tu vois le hilal c'est que c'est Ramadan si tu vois pas le hilal tu finis la période de Sha'ban 30 jours Bien sûr, si un autre y voit, comme on va voir, si un autre y voit le hilal, tu jeûnes. Lakin, nahnu al-maqsoud, c'est que si personne n'a vu, min al-muslimin, donc, al-umma al-islamiyya, il jeûne pas le jour d'après, li annahu, le prophète sallam, il a dit, akmilu al-idda thalathin. C'est ça, al-qawl al-sahih. Wa al-imam, al-shaykh, al-saddiq Hassan Khan, il a rapporté al-ijma'. Qala, العلامة الصديق حسن خان في الروضة الندية التوقيت في الأيام والشهر بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة c'est une بدعة selon l'unanimité فلا يجوز ترك ما جاء في شرعنا الحكيم pour des بدع et des محدثات كذلك اللجنة الدائمة ils ont une fatwa أنهم يمنطر que c'est une بدعة une autre مسألة العدد الذي يثبت به هلال رمضان أي combien de témoins il faut pour valider la vision du croissant de lune de رمضان est-ce que un ça suffit ou il faut deux يثبت هلال شهر رمضان بشهادة شاهد واحد c'est ça le قول الصحيح أنه si un مسلم عدل de confiance il a vu الهلال Ça suffit pour que la Ummah, elle fait As-Siyam. C'est Qawl ibn al-Mubarak et l'imam Ahmed wa ghayrihim. C'est à dire, leur délit, bi hadith ibn Umar, radiyallahu anhu, قال, Tara an-nas al-hilal. Aïe, à l'époque du prophète sallam, Tara an-nas al-hilal. C'est un délit, à l'époque du prophète sallam, quand c'était proche Ramadan, la nuit du 30, les gens, ils regardaient, est-ce qu'il y a hilal Ramadan amla? Ça montre que, il faisait pas al-hisab al-ru'ya il cherchait avec la vision qala fa akhbartu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anni ra'aytuhu il a informé le nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu il l'a vu fa sama wa amara bis-siyam ça montre que le nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'est suffi de la vision de ibn Umar il a pas le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a pas dit il faut un deuxième pour appuyer pour confirmer là ça montre anna al-qawl as-sahih anna pour ramadan wahid yakfi الحديث صححه الإمام الألباني في الإرواء وكذلك الإمام مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند وهذا القول لافي دو الشيخ عبد العزيز بن باز كذلك لافي دو الشيخ العثيمين ودو الشيخ مقبل رحمة الله عليه donc pour l'entrée de Ramadan un témoin ça suffit bien sûr ce témoin il faut qu'il soit muslim il faut qu'il soit عاقل الآن العدد الذي يثبت به هلال شوال donc pour رمضان ça suffit un témoin الآن pour شوال قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد أجمع العلماء l'unanimité rapporte des savants على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان il a rapporté l'unanimité que pour شوال il faut deux témoins En fait, un tas, tu dois savoir que pour tous les mois, il faut deux témoins. Que ce soit pour Dhul Hijjah, que ce soit pour Shawwal, أما pour Ramadan, لا. Pour Ramadan, واحد, ça suffit. Pourquoi? لأنهم, ils ont comparé Ramadan avec c'est un amr ta'abboudi. Donc, ils l'ont comparé avec l'adhan. L'adhan, il suffit de واحد. Si l'heure, elle est rentrée, il fait l'adhan, on accepte. On sait que le waqt, il est rentré. Et ça implique des choses, le waqt. Et on peut faire la salat, on doit arrêter de manger al-fajr pendant Ramadan, on peut manger al-maghrib fi Ramadan. Il y a beaucoup de choses qui impliquent l'adhan, des a'mal. On a appliqué le mu'addin de wahid. Et son témoignage, donc il a fait l'adhan, on a appliqué. Fahakada pour al-siyam. Amma, le ijma' qu'il a cité Ibn Abd al-Barr, fil haqiqa, il y a un khilaf. Kama nabbaha al-shaykh Zaid al-Wusabi fi misk al-khitam, qal wal-waqi anna fil mas'alati khilaf. Lakin al-rajih, c'est قول الجمهور لا بلوبا الامام بن عبد البر الى rapporté الاجماع في الحقيقه يا با اجماع لكن لا بلوبا de ceux qu'ils ont dit la plupart l'avis de la plupart c'est ceux qui نعم l'avis de ceux qu'ils ont dit il faut au moins deux il faut deux personnes de confiance pour valider la vision de l'entrée de Shawwal wa walillah alhamd dans notre époque الان الدول يعتنون بهذا المملكه العربيه السعوديه و وغيرها يتحرون il y a plusieurs témoins ils ont wallah alhamd ils ont des appareils ils font des efforts في هذا فالامر ان شاء الله il est سهل est-ce qu'on peut utiliser pour la vision les appareils Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh il a une fatwa في هذا فيما اذكر قال Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh كما في فتاوى رمضان Ils lui ont posé la question, est-ce qu'on peut utiliser les appareils pour voir, jumelles ou autres ? قال وأما استعمال ما يسمى بالدربيل وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ولكن ليس بواجب. نعم, لأن c'est une vision. Cette vision, elle peut être avec l'œil directement, elle peut être avec un appareil. لكن c'est pas obligatoire. Et ça, c'est important. On ne doit pas s'imposer. Pourquoi ? Parce que si on impose ces appareils, ça veut dire que celui qui va voir la vision sans appareil, on va avoir des doutes. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a validé la vision de Ibn Umar. Tant que c'est une personne de confiance, bien sûr. Donc, celui qui voit avec l'appareil, tayyib, lakin, s'imposer ce genre d'appareil, fala. قال لأن الظاهر من السنة الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. نعم. Pendant des générations, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimoun, ils ont fait siyam, et ils voyaient le croissant de lune de Ramadan ou autre avec une vision sans appareil. Ça n'existait pas à leur époque. Donc, ça montre que c'est possible et c'est le asl, c'est ça la base. Lakin, si un muslim il utilise un appareil et il voit le hilal, fa-tayyib. قال ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية. أما si un muslim il voit le croissant avec un appareil, sa vision elle est acceptée. Tant que c'est une personne de confiance. Une autre mas'ala, et c'est une mas'ala muhimma. Al-an, nahnu, al-amr, ou al-mas'ala, le wadiha, anna si on voit le croissant de lune, on doit jeûner. Kama qal le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Idha ra'aytumuh fasoumu. Si vous le voyez, jeûnez. Al-an, mas'ala, idha ra'a al-hilal, ahlu baldatin, fahal yelzam baqiyat al-bilad al-sawm. Al-an, ta'lamoun anna al-umma, chaque contrée elle a un hakim, il y a des frontières, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, le Yémen, etc. Donc la question qui se pose, est-ce que si en Arabie Saoudite, maintenant, ou au Yémen, ou autre, ils voient Al-Hilal, est-ce que nous, ici au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, ils doivent faire aussi. Il y a un khilaf, wasi' kabir fi hadhihi al-mas'ala, lakin on peut résumer ses avis en trois. القول الأول, le premier, أنه يلزم بقية البلدان الصوم. Le premier قول, c'est que si un musulman de confiance y voit, donc un pays va jeûner, tous les autres pays doivent jeûner. Et ce قول, c'est le قول de l'imam Malik, كذلك de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmed et de قول أبي حنيفة وغيرهم رحمة الله عليه. L'avis des quatre imams et autres. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a rajah ce qawl comme fi majmou' al-fatawa. Lakin Cheikh al-Islam, il a un deuxième qawl comme fi comme في الاختيارات انه يشوزي لو دوزيام قول ça ça te montre ان المساله le khilaf il est qawl khassatan le premier et le deuxième qawl et même certains suiveurs de l'imam Malik qu'Ibn Abd al-Barr il a choisi un autre avis. Et il n'a pas choisi l'avis de son cheikh, l'imam Malik, et de l'école qui suit. Là, il a choisi un autre qawl. Kadalik, ba'd al-Shafi'iyya, ils ont un autre qawl. Ça te montre que le khilaf, il est qawl jiddan fi hadhihi al-mas'ala. L'imam Shawkani, kadalik, il a rajah ce qawl. Annahu, si un pays fait, tous les autres pays doivent faire. Kadalik, min al-mu'asirin, l'imam al-Albani, et l'imam Abdelaziz ibn Baz, alayhim rahmatullah. Donc, ces imams, ils ont choisi ce qawl. الدليل كيزون شوازي قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لو حديث كنا dans notre متن عمدة الاحكام قال الامام شوكاني في نيل الاوطار وهذا لا يختص باهل ناحيه على جهه الانفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين الامام شوكاني يقول ان سو خطاب Cet ordre, soumou les ru'yatih, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait pour tous les musulmans. Donc, tous ceux qui sont concernés, les musulmans, ils doivent appliquer. Soumou les ru'yatih. S'il n'a pas vu, si son frère il a vu, il jeûne avec la ru'ya de son frère. Qala falistidlal bihi ala luzum ru'yat ahl baladin li ghayrihim min ahl al-bilad, azhar min al-istidlal bihi ala adam al-luzum. Pourquoi il dit ça, l'imam Shawkani? Les Anna, le deuxième avis, ils ont pris exactement ce même délit. Sans mon les royautés, ici vous le voyez. Eux, ils vont dire, nous, dans notre pays, on l'a pas vu, donc on jeûne pas. Le premier cas où il dit si, sans mon les royautés, les royautés man ra'a min al muslimin. Si un musulman l'a vu, on jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pas vu, lakin ibn Omar, il l'a vu. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, fait tassiyah. Fa nahnu kadhalik. Si un de nos frères musulmans il le voit, on jeûne parce que lui, il l'a vu. Donc, le premier qawl, qawl imam Shawkani, c'est un qawl qawi. Qala, li'annahu idha ra'ah ahlu baladin faqad ra'ahu al-muslimun, fayalzam ghayruhum ma lazimahum. Naam, l'imam Shawkani dit, si dans un pays ils l'ont vu, ça veut dire que les musulmans ils l'ont vu. Donc, tous les musulmans ils doivent jeûner. Ah, ça, c'est un qawl qawi, qawl de kadhalik, Cheikh Al-Albani, il a détaillé ce qawl. Cheikh Ibn Baz Kadalik, il a choisi cet avis et c'est un qawl, il est qarib. Deuxième avis. Annahu yalzam baqiyat al-buldan allati tuwafiq al-balda allati ra'athu fi matali' al-hilal. Ha'oula, ils ont différencié entre les pays qui sont proches les uns de l'autre, ce qu'ils appellent matali' al-hilal. Aïe, ils sont proches du pays qu'ils ont vu, donc ils m'ont jeûné. Li'anna al-matla' il est wahid. Amma, par exemple, le Maroc et l'Arabie Saoudite, c'est très loin. Fa'indahum, si on est au Maroc et en Arabie Saoudite, ils l'ont vu, pour eux, le Maroc, il n'est pas, s'ils n'ont pas vu le Hilal, il ne doit pas jeûner. Il y en a peut-être qu'ils vont voir le Hilal après. Ça, c'est un qawl. Et kadalik, c'est un qawl qawi. C'est un qawl an Ahmed. Ça te montre que l'imam Ahmed, il a choisi le premier qawl et kadalik, il a un qawl fi hada. Kadalik, shoukh l'islam. Il a deux qawls. Ça te montre que le khilaf, il est qawl. Pourquoi ce savant il a deux qawls, maintenant Cheikh l'islam? Léanna, à un moment, il a étudié la mas'ala, il a vu que le premier qawl, il était, pour lui, c'était la vérité, le plus proche. Thumma, il a étudié la mas'ala, il a vu que le deuxième, c'était al-haq pour lui. Ou l'inverse. Al-muhim, il a dit avec le premier qawl, il a dit avec le deuxième. Ça nous montre que le khilaf, il est qawl. Qal wa akhtarahu ibn Abd al-Barr fi al-tamhid. Ibn Abd al-Barr, c'est min a'immat al-malikiyya. Wa Cheikh l'islam. في الاختيارات وهو ترجيح أي parmi les contemporains الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي الشيخ ابن عثيمين وغيرهم رحمة الله عليهم. Donc vous avez vu que même les imams de notre époque, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, ils ont choisi le premier qawl, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Muqbil, ils ont choisi le deuxième. Ils ont pris comme adilla قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية أي celui qui a vu le croissant de lune, qu'il jeûne. Ha'ola, ils vont dire, non, on ne l'a pas vu. Dans tel pays, ils l'ont vu, na'am, c'est normal. Parce qu'ils sont loin de nous. Amma, nous, on est loin, donc on ne l'a pas encore vu. Donc, ils ne jeûnent pas. Kadhalik, qawla Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soumou les ru'yatih ou aftirou les ru'yatih. Donc, fil haqiqa, les deux avis, ils ont les mêmes adillah. Ça te montre que la compréhension, ce n'est pas la même. Et dans ce genre de cas, al-khilaf il est wasi'. La tunkir ala man khalaf. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire pourquoi ils ont choisi cet avis. Maintenant, si toi tu choisis le premier, tu ne peux pas dire pourquoi le deuxième ils ont choisi. Wa tunkir alayhim. Abadan. Dans ce cas-là, tu respectes les avis, c'est un qawl qarib. Tu étudies et tu prends le qawl qui t'apparaît être la vérité. Fa'ulliqa as-sawm pour eux, bil-ru'ya, fi al-aya wa fi al-hadith. ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكما. Pour eux, dans tous les adillah, le jeûne il est متعلق بالرؤية, et avec la vision. Pour eux, vu que les مطالع c'est pas les mêmes, مطالع الهلال, et la lune, si elle est apparue dans ce pays à l'est, ça veut pas dire qu'elle est apparue à l'ouest pour eux. Il y a une différence, et c'est vrai, il y a une différence. Il y a une différence entre l'Indonésie et le Maroc. L'Indonésie, maintenant, en ce moment, peut-être qu'il fait nuit, nous, il fait jour. Donc, c'est pas pareil. Peut-être, eux, il fait nuit, ils vont voir les hilal, nous, il fait encore jour. Comment on va voir les hilal? Vous avez compris? Il y a une différence. Il n'y a aucun doute sur ça. Il y a une différence, mentale et al-hilal. Lakin, est-ce que le hukm, il va prendre en compte cette différence? C'est là le khilaf, comme on va lire la parole de Cheikh Ibn Baz. Awalan, on lit les avis. Le troisième avis. An-nas taba'un lil-imam al-a'zam. Les gens, ils suivent le gouverneur ou qui sont. T'es au Maroc, le gouverneur, il a décidé que le jeûne, Ramadan, ça commence demain, tout le monde jeûne demain, tu jeûnes avec ton pays. L'Algérie, ils ont un jour d'avance, ou un jour de retard par rapport à nous, ils jeûnent avec leur pays. L'Arabie Saoudite, ils ont jeûné en même temps que le Maroc, leur pays, ils jeûnent. Et hakada. Et fil haqiqa, le waqi', c'est ça maintenant. Maintenant, ce qui se passe, fil haqiqa, c'est ça. Les Marocains, ils jeûnent, par exemple, lundi, les Algériens aussi lundi, les Tunisiens mardi, l'Arabie Saoudite mardi, le Yémen peut-être qu'ils jeûneront lundi. Mouhim. Les pays se divisent en deux. Certains pays tel jour, d'autres tel jour. Fait le haqiqa, le qawl qui est appliqué, fait le haqiqa, c'est le troisième. Wa istadallu bi hadith Abi Huraira, radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, as-sawm yawma tasumun, wal-fitru yawma tufturun, wal-adha yawma tudahun, rawahu al-Tirmidhi. Le hadith il est thabit. Donc ils ont pris ce hadith. Le jeûne à Somm, c'est le jour où vous jeûnez. Ou le fitr, yawma tuftirun. Et vous arrêtez de Ramadan, le Eid, c'est dès que vous le faites ensemble. Ou là ils ont dit donc, chaque pays, on jeûne avec les membres de notre pays. Cheikh Ibn Baz, il a un kalam tayyib qu'on va lire, il va récapituler tous ses aqwal et on va voir c'est quoi al-rajih. Qala al-imam. عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في خطاب صدر منه جوابا لسؤال عام 1383. C'est une réponse à une question qu'ils lui ont posée, رحمة الله عليه, par rapport à toute cette divergence qu'il y a au début de Ramadan. Il a répondu. قال لا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن تصوم لرؤية الهلال. Il n'y a aucun doute sur ça. Vous avez remarqué que le premier et le deuxième قول, leur qawl il est basé sur la vision de la lune. Sauf que le deuxième qawl, ils disent, nous, vu qu'il y a une différence, on ne peut pas se baser sur la vision, ils sont trop loin de nous. Le premier qawl, ils disent, la vision de un suffit pour tout le monde. Donc il n'y a aucun doute que la base, c'est la vision de la lune. Ça, on est tous d'accord. Qala, donc il n'y a pas de place pour le hisab. Ceux qui disent les calculs, les calendriers, sans regarder la vision, sans donner de l'importance à la vision du croissant de lune, ça c'est une bid'a. Ça c'est ihdath fi ad-din kama qala Ibn Daqiq al-Eid. Qala wa hakadha ja'at al-ahadith as-sahiha al-mustafidha anhu sallallahu alayhi wa sallam. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wa ja'a anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qala as-sawm yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Le hadith, l'avis du troisième. Ça c'est le dalil du troisième avis. Cheikh Ibn Baz qala فإذا ثبت رؤية الهلال رؤية شرعية في بلد ما أي dans un pays quelconque وجب على بقية البلاد العمل بها. Vous avez remarqué que Cheikh Ibn Baz il a choisi le premier avis, et que si quelqu'un le voit, tout le monde doit jeûner, et il utilise le dalil du troisième avis. لأن في الحقيقة le dalil du troisième avis c'est un dalil pour ceux qui ont choisi le premier. لأن الصوم يوم تصومون أي le jeûne c'est quand vous jeûnez tous. Ça montre que si un il le voit, tout le monde doit jeûner. حقيقة القول الأول c'est أقرب الأقوال. L'avis qu'il a choisi Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani et les quatre imams et Cheikh Al-Islam في مجموع الفتاوى, c'est un قول إن شاء الله c'est أقرب الأقوال. والله أعلم. قال شيخ ابن باز فإذا ثبت رؤية الهلال رؤية شرعية في بلد ما وجب على بقية البلاد العمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لم يقصد أهل المدينة فقط، وإنما قصد عموم المسلمين. صحيح، on prend ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم quand il a dit صوموا لرؤيته est-ce qu'il a visé que les gens de المدينة؟ أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم il a appuyé par le وحي. الله سبحانه وتعالى il sait tout. Il sait tout, que la communauté elle allait s'élargir. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète sallam, soumou les ru'yatih. Jeûnez si vous voyez le croissant de Dieu. Et tous. Et le khitab, il est pour jami' al-muslimin. C'est pour ça que ce qawl, incha'Allah, c'est l'aqrab. Qala, wa amma al-mata'li' fa la shak fi ikhtilafiha fi nafsiha. Amma al-mata'li' ay, que le Maroc et l'Indonésie, ils vont avoir une différence par rapport au hilal, la nuit, le jour. C'est clair, hein. Cheikh Ibn Baz dit ça, il n'y a aucun doute. Est-ce qu'on prend en compte ça? Est-ce qu'on prend en compte cette différence? Il y a un khilaf entre les ahli al-ilm. قال والذي يظهر لي ان اختلافها لا يؤثر وان الواجب هو العمل برؤيه الهلال صوما وافطارا وتضحيه. Cheikh Ibn Baz, c'est l'avis le plus correct. Anahu, il dit, ça change pas sur le jugement. Ah, il est entré dans Ramadan, ça change rien. Au Maroc, s'ils l'ont vu, ou l'Indonésie, ils l'ont vu, le premier qui a vu, l'autre, il suit l'autre. Hatta tajtami' al-umma, la umma, elle est rassemblée sur un qawl, et on applique les hadiths clairs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soumou les ru'yati. Ça, c'est l'avis le plus juste. Lakin, tambih, vu que cet avis, elle, il n'est pas appliqué partout. Bel, les pays, elle, on a dit, ce qui est appliqué l'un, c'est le troisième qawl. Chaque peuple, il jeûne, il fait siyam avec son pays, avec son gouverneur. Les Marocains, ils font avec leur gouverneur, les Algériens, etc. L'un, c'est ça qui est appliqué. Donc, l'un, il y a un ishkal qui se pose. Nous, on est au Maroc. Si demain, c'est Ramadan, par exemple, au Yémen, en Égypte, ils ont vu Al-Hilal. Ils ont vu cette nuit. Donc, c'est demain. Nous, la vie qu'on a choisie et qu'on voit, qui est le plus proche du haq, c'est le premier avis. On doit tous jeûner. On est au Maroc, le Maroc, ils ont décidé que ce n'est pas demain, c'est après-demain. Est-ce qu'on doit jeûner avec le Maroc ou jeûner tout seul? C'est ça la question qui se pose. Il y en a une différence entre les avis et ce qui est appliqué. Vous allez voir l'avis de Cheikh Ibn Baz, malgré qu'il a choisi le premier qawl, et on doit tous jeûner, vous allez voir qu'on lui a posé la question, et c'est un imam. Il a de la hikma et il voit loin. تأمل سا ريبونس قال فإذا اعتمد أهل البلد أو حكومة البلد على علمائها ومحكمتها ورأت المحكمة المحكمة سي لو تريبونال les instances religieuses du pays والعلماء أنهم يصومون في يوم غير اليوم الذي صامت المملكة أو غير المملكة par exemple le Maroc le gouvernement marocain il a décidé de jeûner un jour après l'Arabie Saoudite ou un autre pays l'Égypte le Yémen. قال فالعمدة على ما رأته المحكمة في بلدك والعلماء في بلدك ولا تشق العصا. Il dit العمدة, tu te bases sur, tu suis ton pays. ولا تشق العصا, ne sois pas une cause de khilaf. Ça c'est un قول طيب. قال السائل, donc le question il a dit à Cheikh Ibn Baz après هذا, إذا على كل مسلم يوافق بلده في الصوم والإفطار. Donc chaque musulman il doit jeûner avec son pays, avec il doit jeûner et faire le Eid avec son pays. قال الشيخ بن باز نعم حتى لا يتنازعوا وعلى الحكومة في البلد أن تعتني بالأمر. نصيحة طيبة. الشيخ بن باز dit vous jeûnez avec votre pays حتى il y a pas de khilaf et conseille les gouvernements de bien faire attention est-ce qu'ils ont vu le hilal ام لا. كذلك قال الإمام الألباني et c'est intéressant de citer كذلك الشيخ الألباني لأن الشيخ الألباني choisit le même avis que الشيخ بن باز que tout le monde doit jeûner. لكن par rapport à ce sujet, hein, ce qui se passe de nos jours, قال وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك أي على القول الأول. لأن شيخ ابن باز الشيخ الألباني sait que l'avis le plus juste c'est le premier, tout le monde doit jeûner. لكن il sait que les pays chacun jeûne de son côté, donc il dit le temps que un jour plutôt si la umma ils appliquent le premier قول et si un l'a vu tout le monde jeûne en attendant هذا قال فإني أرى على شعب كل دولة أن تصوم مع دولتها. نعم. Il voit que chaque chaque peuple, il jeûne avec son gouverneur. Tant que la première avis n'est pas appliquée. قال ولا ينقسم على نفسه صحيح لأن ربما تظهر divergence chez toi. Toi, tu vas prendre l'avis qu'il faut jeûner. Si l'Arabie Saoudite ou le Yémen ou l'Égypte, ils ont vu, tout le monde doit jeûner. Elle est le premier qui a vu. Tu vas prendre cet avis. Peut-être que ton père ou ta mère, ils vont choisir un autre avis. Ou tes frères, ou tes voisins. Et ça fait un khilaf. Pourquoi ? Ils ont une mauvaise intention. Ils vont dire, regarde, il ne jeûne pas avec ce pays parce que pour lui, ce n'est pas un pays musulman. Le gouvernement, ce n'est pas un gouvernement musulman. Et il rentre dans ce pays. Et ça fait des fitnes. Enfin, en fait, suivre le conseil de ha'oula, al-ulama, c'est tayyib. Et c'est un qawl, comme tu vois. Qawl, ils ont choisi ce qawl. Et même des autres imams qui ont choisi un autre qawl, ils te disent d'appliquer ce qawl pour éviter al-khilaf. Qala, فيصوم بعضهم معها ويصوم مع غيرها تقدمت في صيامها أو تأخرت قال لما في ذلك من توسع دائرة الخلاف في الشعب الواحد نعم ne pas appliquer ce قول et de jeûner avec son gouverneur avec son pays ça va amplifier la divergence entre ces musulmans de ce même pays. قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عمل الناس اليوم على هذا. شيخ ابن عثيمين il te dit que الآن la plupart des gens ils appliquent le troisième qawl et chacun jeûne avec son pays. قال انه اذا ثبت عند ولي الامر لازم جميع من تحت ولايته ان يلتزموا بالصوم او فطر وهذا من الناحيه الاجتماعيه قول قوي. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a choisi le deuxième qawl, vous vous rappelez, et la différence des mata'li. Lakin il dit que le troisième qawl c'est un qawl il est قوي. Pourquoi? Parce que au niveau de s'écarter du khilaf et de s'unir, c'est un qawl tayyib. Comme l'avis de Cheikh Ibn Baz et de Cheikh Al-Albani. Non. Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Albani, ils ont rajouté le qawl l'awwal. Vous vous rappelez? Que si un voit, tout le monde doit jeûner. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a rajouté le qawl l'thani. Ça dépend des matali', ça dépend de l'endroit de ce pays. Ces deux avis, ces savants qui ont choisi ces deux avis, ils te disent d'appliquer le troisième en cette période. Pourquoi? Pour éviter les fitan et le khilaf. فالله أعلم سنقول إليه قريب إليه قوي إيه في الأدان فنكتفي بهذا إن شاء الله on continuera ces مسائل dans le prochain درس نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين